Yes, it's cool. Ok. Putain, faut que je fasse quelque chose. Faut que je trouve la solution. Pourquoi? Ça fait tout craquer cet ordinateur. Bon, je sais ce que je vais faire. Merde. Annuler. Copier. Ne pas enregistrer. Voilà. Lock note. Putain, ça me ressort exactement pareil. Affichage, format, attends. Bon, mais putain, j'ai un problème.